Il était dans le quart de Saint-Tropez. Il m'a dit que j'étais belle. Le soir, on s'est vu au bal chez Palmyre. Au début, c'est toujours simple, une histoire d'amour. J'ai eu d'aller me recoiffer. J'ai entendu Antoine qui parlait derrière la cloison avec un ami. Il parlait de moi. Il se vantait. Cette fille-là, je l'aurais ce soir. Pour donner une leçon à Antoine, pour blesser sa vanité, que je suis montée à bord du yacht d'Éric Carradine. Robe du soir et smoking, musique douce. Eric est un homme de 40 ans, terriblement séduisant. Malgré tout, je ne pensais qu'à Antoine. Dans ma chambre, je chantonnais l'air que nous avions dansé.